T'as bougé mon ego, mais tu l'as cherché. Tu pourrais y rester si tu parles trop. Oh, faut pas lâcher des mots et pas assumer. Quand j'y vais solo. Fallait pas commencer. J'ai pas le cœur, tant pousse-toi de mon chemin. Faut bien avancer. Paraît que t'es pas bien. Ça fait de la peine. Pitié, pitié. Peine et pitié. Pitié, pitié. Ça fait de la peine. Pitié, pitié. Pitié. Peine et pitié. Pitié, pitié. Pitié. Peine et pitié. J'avoue, j'ai de la peine. De la pitié. Finalement, si c'est la même, j'ai plus trop, plus trop. Est-ce qu'il faut qu'on se rappelle? On va se rappeler. Ils resteront sûrement les mêmes. Mon numéro est ton numéro. Ah, tu fais la belle, tu t'aimes plus qu'on t'aime. T'as du mal à l'admettre. Joyeuse fête et bonne année au pluriel. Pour l'an prochain et les années prochaines. Pitié, pitié. Peine et pitié. Pitié, pitié. Ça fait de la paix. Pitié, pitié. Pitié. Peine et pitié. Pitié, pitié. Pitié. Peine et pitié. Tu disais que c'était la famille. Quand tu criais famine. Depuis qu'il m'arrive ce qui m'arrive. T'as des nouveaux amis. Mais j'ai pas besoin que tu culpabilises, moi. Je préfère être ignoré. Y'a pas que ton nombril dans la vie. Toi, t'as ni peine ni pitié. Ni pitié. T'as ni peine ni pitié. Ni pitié, ni pitié. Toi, ça fait de la peine. Pitié, pitié. Peine et pitié. Pitié, pitié. Ça fait de la peine. Pitié, pitié. Pitié. Peine et pitié. Pitié, pitié. Pitié. Peine et pitié. Pitié. Mais oui, on se quitte déjà. Mais rassurez-vous, je vous laisse avec toute la team du 6-9 qui arrive tout de suite. Et pour patienter, eh ben on s'écoute le jeu du bottin. Je pense que c'est ma séquence préférée de l'émission, tout simplement. Jérém m'appelle des gens et c'est toujours super drôle. Et puis, ben juste après, il y aura de la musique. On aura 5 Seconds of Summer pour aller jusqu'à 6h. Et puis moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Le 6-9. Le 6-9 sur Énergie. C'est tous les mardis à 7h38, c'est le moment du jeu du bottin. Et évidemment, on chante le générique parce qu'on aime beaucoup. Jeu du bottin. Jeu du bottin. Ta, ta, ta, ta. Avec Jérém. Avec Jérém. Je réexplique le jeu, hein, pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Alors c'est très simple, je demande si monsieur ou madame avec un nom bizarre existe en Belgique et est-ce que je l'ai eu au téléphone. On va commencer avec un exemple, ça marche beaucoup plus facilement comme ça. Tiffany, est-ce que tu penses que madame Face existe? Alors je souligne que c'est un spécial madame, j'ai appelé que des madames aujourd'hui. Très bien, très bien. Bah oui, madame Face existe. Oui, allez, on vérifie. Allô? Est-ce que c'est Madame Face? Voilà, tout à fait. Ah, c'est Madame Face habite avec Monsieur Pile? Voilà, tout à fait, oui, oui. Allez, Pile ou Face? Alors, Pile. Pile, attention. Hop. Ah bah, c'est Face. C'est bête. C'est bête, hein. Allez, ça sera pour la prochaine fois, Madame Face. D'accord, ok, pas de problème. Et bonjour à Monsieur Pile. Eh bien, je n'y manquerai pas. Au revoir. Au revoir. Toujours très poli. Hein. Il y a le cousin double aussi. Hein. Alors, est-ce que... Frisco, celui-là est pour toi. Est-ce que Madame Couche existe? Bah non. Vérifions alors. Oui. Allô, Madame Couche? Oui. Avec qui? Oh, avec Bâtard. C'est du joli. Donc Madame Couche avec Bâtard. Je sais pas. Ah, j'ai bien peur. Non. Marco. Oui. Est-ce que tu penses que Madame Gentille existe? Oh oui, Madame Gentille. Bah oui, moi je dis oui. Allez, on vérifie alors. Hello. Je cherche Monsieur Gentille. Non, vous n'êtes pas madame... Ah, c'est madame. Vous n'êtes pas madame Gentil. Non. Ah, vous êtes... Non, méchante. Méchante. Yeah. Ouf. Oui. Oh là là. Très méchant. Non, non. Non, pas trop méchant. Ok, ok. It was wrong méchant, sorry. Vous êtes méchant, mais pas trop. D'accord, ok. No. Ok. Ok. Sorry, okay. Bye. Bon, vous êtes plutôt sympa, hein, quand même. Ok, d'accord. Au revoir. C'est madame méchant. C'est pas madame gentille. Voilà, c'était le jeu du vote. Oh, un petit bonus. Allez, oui, moi, bonus, j'ai toujours un goût de trop peu, moi. Un bonus, oui. Un bonus. Un bonus. Un bonus. Un bonus. Allez, si vous insistez, ok. C'est tellement pas prévu. Madame Pamplemousse, vous pensez qu'elle existe et que je l'ai eu au téléphone? Madame Pamplemousse. Non. Non, quand même, non. Tout le monde dit non? Moi, je dis oui. Allez, on vérifie. Allô? Allô? Oui. Oui, c'est Madame Pamplemousse. Non, pas du tout. Oui, je me suis trompé. Vous êtes qui ? Madame Citron. Ah, oui, effectivement, je me suis trompé d'agrumes. Allez, si vous êtes pressé, je vais vous laisser. Ça va ? Ok. Allez. Bon après-midi. Hein. Ah ouais, au revoir, hein, Madame Citron. Au revoir. Au revoir. La fameuse blague du « si vous êtes pressé ». Exactement. Elle passe toujours bien. Oui, évidemment. Le jeu du botin, vous pouvez retrouver en replay, évidemment, sur énergie.be. On vous met tout ça en podcast. Et ça revient mardi prochain à 7h38 avec Jérém. Rem. C'est de la crème. Crème. Retrouvez les meilleurs moments du 6-9 en podcast, audio et vidéo sur énergie.be. Remember the words you told me, love me till the day I die. Surrender my everything cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away from you. I giving you take. Young blood, see you want me, see you want me. And like it's the last goodbye. Yeah, one of us gets too drunk and calls about 100 times. So who you been calling, baby? Nobody could take my place. When you looking at those strangers, hope to God you see my face. La rentrée s'annonce gourmande chez Picard. Jusqu'au dimanche 9 septembre, pour un produit acheté, le deuxième identique est à moitié prix avec la carte Picard et moi. Offre valable sur une sélection de produits, voire conditions en magasin. La sécurité au travail avec Fédéral Assurance. De belles prévisions assurées. Il est 6h. Vous écoutez Énergie. Allez, vas-y mon bichon. Énergie. C'est un bichon pas très réveillé. De semaine, c'est mercredi, on est le 5 septembre, il est 6h, on est là avec les fifous du matin, toute l'équipe du 6-9, bonjour! Bonjour! Maroon 5 qui va arriver dans un instant, on va chanter là-dessus justement dans un instant. On va vous présenter le sommaire de cette émission en chanson. Ah! Ah bah, on va se réveiller dans la bonne humeur, ça va être bien. Et vous allez voir, on est des écrivains. Hein. On a sué du front pour écrire tout ça, je vous le dis. En tout cas, c'est les bienvenus dans le 6-9. On est là jusqu'à 9h. Dans un instant, le sommaire en chanson, je vous l'ai dit. Et puis aujourd'hui aussi, 500€ à gagner avant 9h. Ça, c'est la bonne nouvelle. Énergie paye votre entrée. Il suffit de vous inscrire. Vous pouvez déjà commencer. Hein. Bah oui, pourquoi pas. Il n'est jamais trop tôt. Il suffit d'envoyer un petit SMS et 500€ qui tomberont avant 9h. C'est le mot code énergie, les trois lettres, comme la radio. On fait simple. Vous envoyez ça par SMS au 78, c'est 1€ le message envoyé et reçu. Comment va mon Frisco ? Mais écoute, très bien. Oh. Et toi, Marco ? C'est jeudi, non, c'est mercredi. Non. Il y a Jérém aussi qui est là. Bonjour. Bonjour, ça va ? Oui, très bien. Il a mis sa petite chemise de bûcheron. Oui. Avec oui, son petit t-shirt en dessous. Oui. Tu vas aller à l'école tout à l'heure. Oui, exactement. Vous savez pourquoi il fait si froid dans le studio ? Non, c'est vrai qu'il fait moins 12 ici. On est dans un frigo. C'est un frigo, c'est les gros frigos de Carrefour. Ouais, c'est exactement ça. C'est quand tu rentres dans le rayon fromager là. On est au rayon Scampi. Apparemment, la direction veut garder de la viande fraîche jusqu'à 9h. Il y a Tiffany au standard aussi. Hello, hello. Bonjour, 0800-23456 pour appeler Tiffany et venir nous rejoindre ici. Il y a les réseaux sociaux aussi, hein, les fifous du 6-9, tout simplement pour nous retrouver sur Facebook et Instagram, on est là. Aurélie de la Reda qui est avec nous. Bonjour. Comment ça va ? Froidement, mais ça va. C'est vrai qu'il fait très froid. Bah, faisons un petit coup d'œil tiens, sur la météo aujourd'hui. Comment ça va se passer ? Froidement, non. Entre 19 et 24 degrés. Mais on aura des nuages et de la pluie hein, aujourd'hui. C'est pas fameux. Oh, c'est chouette. Merci pour l'ambiance. Maroon 5 sur Energy. Juste après, on chante là-dessus justement le sommaire. 6h03. You spent the weekend getting even. Ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out that wood, babe. Let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl. Yeah, me do what I want when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. nous sur Énergie, 6h05. Dans un instant, Kenji Girac qui va arriver pour oublier. Ah bah justement, il va falloir oublier ce moment, puisque nous allons chanter ce matin. Nous allons vous donner le sommaire en musique. Et ça tombe bien, c'est sur du Maroon 5. On l'a pas fait exprès. Ouais, c'est pas voulu. On le fait ça en live là maintenant. C'est parti. Oula. C'est le 6-9, c'est mercredi, aujourd'hui. Ah bah oui, ça passe vite, hein, dis donc. Bientôt le week-end, milieu de semaine, aujourd'hui. C'est le jour des enfants en plus. Incroyable. Il y aura le défi, on sait pas encore qui, aujourd'hui. Bah, c'est à 6h35, hein. Je me demande bien d'ailleurs qui va le faire. Tu es énergie, avec François aujourd'hui, encore lui. Et en plus, il est à plus de 2 200 euros là. Waouh. Il y aura la Kidsline et le mot gagnant. On paye ta rentrée, tu vas être content. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. 500 euros, 500 euros à gagner. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Pour faire la fin, 500 euros à gagner, gné, gné, gné, gné, gné. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est parce que c'est Jérémy, il n'a pas le rythme, le pauvre. Oh, ça va arrêter. Et on peut s'auto-applaudir quand même. Ah oui, bravo. Ouais, pas mal. Chouette. Voilà. Vous avez vu, grand talent d'écriture pour Pascal d'Obispo qui a bien se tenir. Hein. Je veux bien qu'on écrive des chansons pour vous. Ouais. Mais vraiment, hein, des déclarations, des. Bien sûr, pour les baptêmes, tu vois. Des trucs, dites-moi. Pour les mariages ou quoi, il n'y a pas de souci. On est là, vous nous appelez. C'est un numéro gratuit, un numéro vert en plus pour faire vos réservations. 0800-234-56 pour appeler Tiffany ce matin. Ouais, voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé. À refaire ou pas. Ben, au moins, ils ont le résumé de l'émission. Ah ben, c'est vrai. En chanson. Exactement. On va parler dans un instant des buzz qui nous ont marqué. Les buzz sur Internet avec un nouveau buzz qui est arrivé, qu'on vous a mis d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Allez voir ça, c'est les fifous du 6-9 sur Énergie. Voici Kenji Girac. Et restez là, puisqu'à 8h05, c'est le duel comme tous les jours. Et aujourd'hui, un duel très, très particulier. Ouais. Al-François va faire moins le malin ce matin. Enfant des villes ou enfant des foins, on se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot. C'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera. Comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. Le temps qu'on passe à pleurer s'amoncelle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue. Comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête. Pour oublier, pour oublier, pour oublier, pour oublier. Il n'y a plus ni futur ni passé, il n'y a plus ni futur ni passé, il n'y a plus ni futur ni passé, danser, danser. Il n'y a plus ni futur ni passé, il n'y a plus ni futur ni passé, il n'y a plus ni futur ni passé. Faire les rois pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête. C'est une nouvelle journée qui démarre avec énergie. Le 6-9, on est là, on la démarre tous ensemble. 6h10, dans un instant, on a Rudimental avec Anne-Marie et Major Lézard. Vous allez voir, ce titre, il est très sympa. Ah, je l'adore. Ah oui, ça va vous mettre de bonne humeur. Ça arrive dans un instant. Et il y a un nouveau buzz. Je sais pas si vous avez pas vu passer. On s'est passé une porte ou une plage. Ah, cette la photo, fameuse là. Photo, ouais. On vous l'a mis sur notre groupe Facebook. Venez voir ça, les fifous du 6-9 sur Énergie, pour nous retrouver tout simplement. On ne sait pas si c'est une plage ou ou une porte. C'est très particulier. C'est super bizarre. On va parler de ça dans un instant, les buzz qui nous ont marqués. C'est le 6-9. Get ready for the next round. Les plus gros hits à la maison. You got me on the line. Les plus gros hits en voiture. We can do better. Les plus gros hits au travail. Things gonna be alright. Things gonna be just fine. Is around. Énergie. C'est la playlist Énergie. Playlist Énergie. Hit music only. L'espace vu par la Mini Countryman d'Oaklands. Parce que la Mini Countryman est la Mini la plus spacieuse jamais conçue. On peut y mettre encore plus de choses. La preuve, la Mini Countryman d'Oaklands. Avec un toit ouvrant panoramique. Bonjour le soleil. Le système Hi-Fi Harman Kardon. Oups, désolé. Et encore beaucoup, beaucoup d'autres choses. En plus, vous recevez 7 000 € d'avantage sur la Mini Countryman d'Oaklands. Découvrez-la, ainsi que les infos et conditions chez votre concessionnaire Mini ou sur mini.be. Snack. Si la curiosité n'existait pas, vous n'auriez jamais découvert la petite bille dans la cartouche d'encre de votre stylo. Dis, j'ai la bouche toute bleue ? Oui, très bleue. D'ailleurs, sans la curiosité, vous n'auriez pas non plus expérimenté l'équilibre des deux pieds arrière de votre chaise d'école. Ça va ? Ouais, ça va. Vous êtes curieux vous aussi ? Alors découvrez à la Fnac tout pour une rentrée réussie. Profitez de réductions jusqu'à 30% sur les ordinateurs, tablettes, fournitures scolaires et bien plus. Fnac, libérez votre curiosité. Offre soumise à condition. La nouvelle Volvo V60 est le break idéal pour toutes les familles. Les petites, les grandes, mais aussi pour les nouvelles familles. Celles avec deux papas ou deux mamans, des frères et des demi-sœurs. Les familles qui une semaine sont à deux et l'autre à 5. La nouvelle Volvo V60 allie sportivité, élégance et espace intérieur. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 10 au 15 septembre. La nouvelle Volvo V60, le nouveau modèle familial. À vos marques, prêts pour le festival des marques chez Colruyt. Profitez de 25% de réduction à partir de deux produits participants. Kellogg's Coco Pops, Activia, Milka, Silan et de bien d'autres grandes marques jusqu'au 11 septembre inclus. Conditions sur colruyt.be et en magasin. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. IKEA aime l'inattendu. Alors surprise, IKEA est ouvert ce dimanche, sauf IKEA Anderlecht. Venez déguster notre délicieuse moule frite pour seulement 9,50 €. Plus d'infos sur IKEA.be. Hans Anders. Profitez de 50% sur votre monture, vos verres et leurs options. Hans Anders. L'opticien pas comme les autres. Conditions sur hansanders.be. On parle des buzz qui nous ont marqué dans un instant. 6h14, un point sur les routes, Aurélie. Un accident déjà signalé dans l'échangeur entre l'A604 et la Nationale 617 à hauteur de Jemmeppe-sur-Meuse en direction de Sorin. Le passage est difficile au niveau de la sortie. Les ralentissements, ça commence tout doucement. Mais sûrement. Bon courage. Vous connaissez le sens de l'humour ? Le 6-9 sur Énergie, eux, ils sont partis à l'opposé. As I walk through the water, so many things I see. And then I say to myself, it's never as it seems. 'Cause I am the one, I rule my world. Nobody rule my destiny. 'Cause you are the one, you rule your world. No Batman on your destiny. Leave me alone, let me live my life. Leave me alone, let me live it up, live it up. Leave me alone, make I live my life. Leave me alone, make I live it up, live it up. Leave me alone. We'll be right back. cause you are the one. You rule your world. No bad man on your destiny. Leave me alone, let me live my life. Leave me alone, let me live it up, live it up. Leave me alone, make her live my life. Leave me alone, make her live it up, live it up. Leave me avec nous 6h17 sur Energy, Matt Simons. On sort les trompettes sur Energy dans un instant. Ah non, Frisco Orange, la tienne quand même. Je la sors pas aussi facilement, monsieur. Ouais, ça va, t'es le nudiste de la bande, on le sait bien. On va parler avec vous ce matin des buzz qui nous ont marqué, car il y a un nouveau buzz en ce moment. On vous a mis ça sur notre groupe Facebook. Venez voir cette photo et venez nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez une plage ou est-ce que vous voyez une porte? C'est très très bizarre. Ouais. Alors beaucoup ont dit verticalement c'est une porte, horizontalement c'est une plage. Ouais, enfin ça n'aide pas. On ne sait tout. C'est un peu la même histoire qu'avec cette robe. Je sais pas si vous vous souvenez, où il y en a qui la voyaient bleue, d'autres qui la voyaient noire, ou je sais plus quoi, ou non, dorée. Ça faisait des guerres mondiales, ça, hein, cette photo. C'est vrai que c'était très relou. C'est battu, hein. T'avais quand même des... Moi, je me souviens, à l'époque, ma femme ne la voyait pas comme moi. C'était très bizarre. Et c'est hyper frustrant. Bah oui. Au bureau aussi, pareil, à chaque fois, on disait mais non, elle est bleue, mais non, elle est dorée, mais non. C'était horrible. C'était très compliqué. Et là, c'est le nouveau buzz. On ne sait pas si c'est une plage ou une porte. As-tu vu la photo, Tiffany? Oui, mais je pense que justement, quand tu la regardes de manière verticale, ben, on voit le chambranle de la porte quand même. Eh, mais quand moi, tu la regardes horizontale, moi, je vois le crabe, hein, tu vois, qui va dans la mer. C'est très compliqué. Ouais. Allez voir cette photo, dites-nous ce que vous en pensez. Et du coup, on fait un petit topo là, avec l'équipe, un petit point sur les buzz qui nous ont marqués. Tiffany, c'était quoi, toi, le buzz qui t'avait marqué? La fameuse chaise à papy. Ah, bah oui. La fameuse chaise à papy. Attends, Andy, c'est quand même dingue, quoi. Tu vas faire rentrer toute l'ombre. Et la dame a fait un buzz, mais immense. Ah, incroyable. Ah, non. Dingue. Et c'est chez nous, on est fiers. T'imagines si moi, du jour au lendemain, je dis et sors les pains au chocolat du four. Enfin, je sais pas, moi. Ah ouais, je vais peut-être faire le buzz. Non, pas pareil. Pas du tout la même chose. Non, on réécoute ce grand moment de la chaise à papy. Oh, arrêtez. Vous allez me faire rentrer l'odeur à la maison. Dans la maison. Mais tu, bande de connards. Mais dis donc. La chaise à papy, tout de suite. Tu vas m'être trempé. Sans ce l'accent bien de chez nous. Ah, j'adore. Ils ont fait des t-shirts, la chaise à papy et tout ça. Ah, ouais, c'est très loin. Hein. C'est une marque déposée maintenant, ouais. La chaise à papy. Frisco, souvenir de ton buzz qui t'a marqué, toi? Ouais, moi, c'est le mannequin challenge. Je voyais des gens immobiles dans la rue, je demandais pourquoi. C'était juste parce qu'ils faisaient un mannequin challenge. C'était très très fort, ça, le mannequin challenge. La musique était terrible. C'était quoi encore le principe? Il fallait s'arrêter. Non, tu filmais, ah oui, oui, on était tous en mode pause, en fait. Ouais, c'est ça, et les gens passaient, et j'en ai vu, mais des magnifiques, genre dans une boîte de nuit bruxelloise, ils en ont fait un avec, genre, les cartes qui tombaient du... Enfin, tu vois, évidemment, c'était avec des fils, etc., mais c'était vraiment ouais, super mode, bien fait, quoi. En mode suspendu dans le ouais, temps, quoi. Ouais, c'était sur ça. Ouais. Et dans ces cas-là, il y en a toujours un qui n'a pas compris le principe. Ouais. ou alors celui qui, quand il te voit passer comme un con, il te regarde, tu vois, ouais. Il te fait un petit regard et tout ça, et tu fais, mais non, sans pas bouger. On en a fait un, nous, ici, chez Energy. Ouais, je me souviens. Qui était très réussi, hein, franchement. Ouais, franchement, on est normal, acteurs. C'est moi qui l'ai fait. J'adorais cette chanson. Ah, c'était là-dessus. Jérém, toi, c'était quoi ton souvenir de buzz? Dans le même style de vidéo, un peu style, comme on vient de dire, le mannequin challenge, c'est le Harlem Shake. Oh là là, oui. Ça date un peu plus. C'est un peu plus vieux, je crois. Hein. C'est plus vieux. Alors, la musique était. Mais ça démarrait comme ça, c'était insupportable. Cette musique. C'était insupportable et ça part en cacahuète. Et je me souviens l'avoir fait avec ma grand-mère à Noël il y a 3-4 ans et elle est devenue folle, quoi. C'est génial. Et là, attention, grand-mère de Jérém, c'est maintenant! Harlem Shake. Et c'est là où tout le monde suffit. Faisait n'importe quoi. Pour les gens qui se réveillent à 6h20, il faut ça pas pique. Leur donner. Ouais. Le Harlem Shake, ouais, c'était quelque chose aussi. Moi, il y a le Ice Bucket Challenge, je sais pas si vous vous souvenez. Le quoi? Ice Bucket Challenge. Ah oui, c'était quand on devait se verser un seau d'eau avec un des glaçons. Un seau d'eau avec des glaçons, ouais. N'importe quoi. T'imagines? Tu l'as fait, ça? Ah, Non. Bah non, pas vraiment mon délire. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a qui l'ont fait pour faire des dons après. Ouais, hein, c'est ouais. Ça. Hein, c'était et... ça à la base. Hein, Quand c'est pour la bonne cause, c'est bien. Ouais, à fond. Quand c'est pour rien, ça sert à rien. Il y a eu Neymar Challenge aussi. Neymar Challenge, ah oui. Ouais, qu'on a lancé. Avec Khalid. Ça, c'était cet été, en effet, avec bah ouais, Neymar qui n'arrêtait pas de tomber. Ouais, il fallait simuler. Comme Neymar. Ouais, voilà. Et ce challenge-là, il servait à rien. Il servait à rien, mais c'était pour le plaisir. Bah voilà, c'était les petits souvenirs de tous ces buzz. Et je vous rappelle, hein, le buzz du moment, la plage ou la porte, à vous de décider. Ouais, à vous de choisir. Allez sur le groupe Facebook Les Fifous du 6-9 sur Énergie, tout simplement. On est là, et c'est Frisco et Jérém qui approuvent. Et je peux vous dire, ils se battent. Mais oui, pour savoir qui va approuver en et premier. Et bam, Joël, c'est moi qui l'ai approuvé. Et Jérôme quoi, aussi. T'as accepté, Jérôme. Et Mathilde allez, aussi. Arrête. Et Florian aussi. Mais arrête, laisse-moi approuver. Calmez-vous les enfants. 6h21, voici Matt Simons. Yeah, we can do better. I know it hurt bad. Your mom left you dead when you were a little girl. You think I'm gonna leave cause history repeats. We've seen it around the world. Well, all that we're told is this, so get old, we'll cheat, and we'll both get hurt. Against all the odds, we'll pray to the gods that this love works. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. We might drink too much and say things we shouldn't say. Forgive and forget for we go to bed and we're gonna be okay. Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. We can do better. If nothing lasts forever. We can do better. I'm not worried cause the thing is, we can do better. Quelle est la radio qui vous fait sourire chaque matin? Eh oui! Eh oui! C'est Énergie! Your man on the road, he doing promo. You said keep our business on the low low. I'm just trying to get you out the friend zone. Cause you look even better than the photos. I can't find your house, send me the info. Driving through the gated residential. Found out I was coming, sent your friends home. Keep on trying to hide it, but your friends know. Me, not feel me when I'm f***ed up. Avec nous sur Énergie, 6h28. On a 500 euros à vous offrir avant 9h. Ouais, 500 euros pour rembourser votre entrée, pour payer ce que vous voulez. Il suffit de vous inscrire, c'est un petit SMS à envoyer, les trois lettres NRJ par SMS au 78 6018. C'est 1€ le message envoyé et reçu. Et donc 500 euros pour vous avant 9h. Alvaro Soler qui arrive. On se met en mode espagnol ce matin, ça arrive dans un instant sur Énergie. La sécurité au travail avec Fédéral Assurance. De belles prévisions assurées. 6h30 sur Énergie dans un instant. Alvaro Soler qui arrive. Avance à la météo pour aujourd'hui. Eh bien aujourd'hui, on aura des nuages avec de la pluie ce matin entre 17 et 20 degrés, entre 19 et 24 degrés cet après-midi. L'actualité de ce mercredi 5 septembre avec Aurélie Adam. Bonjour. Bonjour, les syndicats des fonctionnaires manifestent ce matin à Bruxelles. Le rassemblement est prévu à 9h devant le cabinet de la fonction publique. Les syndicats dénoncent le manque de crédibilité et de fiabilité de la concertation sociale. Pour eux, le gouvernement a décidé seul de supprimer le régime maladie à partir du 1er janvier prochain. Le système permettait aux fonctionnaires de reporter leurs jours inutilisés à l'année suivante. Le télétravail à la cote, chez nous, le nombre d'heures prestées à domicile a augmenté de 25% durant les 7 premiers mois de l'année. Les jours de télétravail les plus populaires sont le mercredi et le vendredi. D'après le bureau Atencia, grâce au télétravail, les employés évitent les bouchons. Ça leur offre aussi un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. L'Organisation mondiale de la santé le révèle, un adulte sur 4 dans le monde ne bouge pas assez. Le manque d'activité physique augmente le risque de diabète ou de certains cancers. Pour être en bonne santé, l'OMS recommande de faire au moins 150 minutes d'activité modérée par semaine. Par exemple, nager, faire du vélo ou bien jardiner. Pour les activités plus intenses, 75 minutes suffisent. Au Japon, le typhon Jebi a balayé une grande partie du pays. Hier, on compte au moins 10 morts et 340 blessés. La région d'Osaka a été la plus touchée. L'aéroport d'Osaka a été inondé, restera fermé aujourd'hui. On termine avec du sport et du tennis. L'Argentin Del Potro est le premier demi-finaliste de l'US Open. Il a battu l'Américain Isner en 4-7. Au prochain tour, il va affronter l'Espagnol Rafael Nadal ou l'Autrichien Thiem. Alors pour l'instant, c'est très très serré. Ils s'affrontent en ce moment. On est à 0-6, 6-4, 7-5 et 5-5 en faveur de Nadal. Ah oui, bien. Ils jouent à 6h33 du mat. Bah, ils sont un peu aux États-Unis. Ah oui, pardon. Je vais le dire. Ils ont du courage. C'est pas à moi que tu ferais ça, je te le dis. Et ils font ça dans le noir. La Belgique, c'est l'atomium, le Manneken Pis, le chocolat, la frite, la fricadelle. Et le 6-9 sur énergie. Ah, tu vois, ça, Richard, je l'aurais plutôt mis avec la pluie, les embouteillages, le gouvernement, ces choses-là, quoi. On est avec vous comme chaque journée, chaque matinée. On la démarre ensemble d'ailleurs cette journée avec Alvaro Soler dans un instant. 6h33, mercredi 5 septembre. On est là avec toute l'équipe, les fifous du matin. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez venir nous rejoindre d'ailleurs. On est sur Instagram. Oui. J'aime beaucoup Instagram. Je me refais une jeunesse, moi je vous le dis. J'aime beaucoup Instagram. Ah oui, je suis en train de publier, de mettre des stories, de faire plein de choses. C'est génial, c'est chouette. C'est très simple pour nous retrouver. C'est les fifous du 6-9 sur Énergie. Venez nous ajouter sur Instagram. Venez nous suivre. Et on citera votre prénom. Exactement. Voilà. Et puis comme ça, vous verrez les stories et toutes les bêtises qu'on fait aussi pendant la journée. Clairement. Il y a Frisco qui est avec nous ce matin. Bonjour à tous. Bonjour mon Marco. Bonjour. Mon Frisco. Il y a Jérém aussi. Salut l'équipe. Il y a Aurélie de la Rédac. Bonjour. Il y a Tiffany qui vous attend en standard. Coucou. Et c'est gratuit. Ouais. C'est là, ça, franchement, c'est fantastique. D'avoir mis en place ce téléphone gratuit pour joindre Tiffany, on ne peut mieux faire. Il suffit de la joindre, c'est 0800 23 456. Venez avec nous dans le 6-9 sur Énergie. Dans un instant, on va faire les défis du 6-9. Déjà, il est. Oh, déjà ? Oulala. Mais attends, on avance. Oulala. Eh ben, il va falloir aller chercher le bocal pour tirer au sort qui va faire le défi ce matin. On va savoir ça dans un instant après Alvaro Soler. Where is the bocal? In the kitchen. Of course. The bocal is the kitchen. Alvaro Soler sur Énergie, 6h35, bon réveil. Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar.